Voilà, donc, oh, pardon. Donc Céline pour Nuit de Bourraine. Bon, bah, moi c'est à l'arrache, hein. J'ai pas du tout prévu ce que j'allais dire. Peut-être commencer juste par dire, enfin j'entends tout le monde dire ouais, Rennes, super puissant, machin. Mollo, hein, on n'est pas tant que ça, on n'est pas si puissant que ça. Enfin moi je suis hyper impressionnée par Nuit debout Nice qui sont là tous les soirs. Je sais pas, je peux peut-être faire un espèce de petit historique de comment ça s'est passé. En gros à Rennes, donc ça a commencé le 5 avril, puisque le 31, en fait on nous a interdit l'hypercentre, où d'habitude c'est là naturellement qu'on aurait dû aller quoi dans l'hypercentre-ville, et on l'a interdit à cause des manifs et de l'état d'urgence. Donc le 31 on n'a pas pu aller dans le centre, donc on n'a pas fait Nuit debout, et la manif d'après, donc c'était 5 jours après. Et on a décidé finalement d'aller sur une place un peu plus excentrée, un peu plus froide, qui ça ressemble un peu à ici, c'est très bétonné. Donc voilà, on a fait la première Nuit debout comme ça. Il y a eu, je pense, le premier jour, on était vraiment beaucoup. Il y avait, je sais pas, je pense qu'il y avait quasiment 1000 personnes. C'était hyper impressionnant. Donc on a commencé à faire des commissions. Voilà, ça a duré vraiment le Nuit debout tous les soirs avec plusieurs centaines de personnes. Ça a duré quoi, un mois, je pense, un mois ou deux. Et en fait, à Rennes, il y a un milieu militant qui est très très très présent. C'est une ville qui est très militante. Il y a beaucoup beaucoup de militants de anarcho-autonomes, extrême gauche, tout ça, et qui s'est pas vraiment rallié à Nuit debout. Vite, ça les a gonflés. Vite, ils se sont dit que on était trop mou, qu'on faisait pas d'action. Donc, il n'y a pas eu un grand grand lien entre le milieu militant et Nuit debout. Mais en fait, ça, je sais pas exactement par où commencer. Enfin, en fait, il y avait vraiment beaucoup de gens, justement, du coup, qui n'étaient pas militants avant, qui n'étaient pas vraiment impliqués. On va dire, ils étaient croyants, non pratiquants. Et vu que le milieu militant est un peu dur, c'est pas forcément facile de l'intégrer. Bah, Nuit debout, ça a été vraiment une façon de pouvoir venir et parler de ce qui allait pas, ce qu'on avait envie de changer, mais avec beaucoup de tolérance, de gentillesse. On acceptait les gens qui n'avaient pas forcément tout déconstruit, et on a, je pense, ensemble déconstruit plein de choses, et on s'est fait avancer. Et donc assez rapidement, avec le contexte rennais, on s'est mis à finalement faire plus qu'une assemblée par semaine. Après, il y a eu l'été où on a carrément arrêté de faire des assemblées. Et en fait, depuis assez longtemps maintenant, on fait plus du tout d'assemblée. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on n'a pas fait une seule assemblée Nuit debout. C'est pour ça que quand j'entends Nuit debout Rennes, hyper puissant, ouais, faut vraiment pas exagérer quoi. C'était puissant au début, mais ça très rapidement. Par contre, en fait, on continue à avoir, c'est un truc tout con, mais on continue à avoir une page Facebook où il y a pas mal de gens qui nous suivent. Donc, on essaye de On lance plus vraiment des trucs au nom de Nuit debout, mais par contre on relaie beaucoup les initiatives qui sont faites par tous les collectifs qu'il y a à Rennes, et on essaye de les rejoindre, de les aider. C'est surtout ça qu'on fait à Rennes, de relayer les actions des autres. Et puis il y a le truc des propositions du 32 mars là qui sera présenté demain, qui est porté par une partie des gens de Rennes, dont je ne fais pas partie. Je pense, ouais, voilà. Si je voulais dire un truc, c'était que Nuit debout à Rennes, ça a surtout donc servi à ouvrir les yeux à plein de gens, à se sentir capable de parler. Enfin, genre moi, il y a un an, mais jamais de la vie, j'aurais été capable de parler, même s'il n'y a pas beaucoup de gens là, j'aurais jamais été capable de faire ça, quoi. Je me serais dit, ah non, je veux pas parler. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, comme ça, qui ont appris à parler devant des gens, qui ont appris à construire leurs idées, à se dire que, bah, en fait, si, ils étaient assez intelligents et capables pour proposer des choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, que même si maintenant le petit noyau dur de Nuit debout Rennes, on est, je pense, on est quoi? On est peut-être 5 à encore vraiment enfin, faire des trucs en rapport avec Nuit debout. Et il y a peut-être une vingtaine de personnes. On a une plateforme d'échange sur Internet, Framavox, pour prendre des décisions, signer des appels. Il y a peut-être une vingtaine de personnes, ouais, qui réagissent encore, qui disent ouais, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Machin, mais quand je croise à Rennes des gens qui ont fait partie de Nuit debout, en fait, ils me disent que tous, et puis pour moi aussi, c'est pareil, hein, que ça a été une expérience complètement, enfin, qui ont changé leur vie et qui, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont impliqués après dans d'autres collectifs, à Greenpeace, dans des, pourquoi pas au NPA, pourquoi pas dans des milieux plus vénères, un peu anarcho-autonomes, dans des collectifs antifa, dans des trucs citoyennistes, dans... On a un ancien nudeboutiste qui a monté une petite ferme bio écolo et il y a beaucoup beaucoup de nudeboutistes qui maintenant sont en lien avec lui et vont l'aider. Voilà, c'est non, c'était voilà, moi je trouve que ça a surtout servi à nourrir en fait tous les collectifs et toutes les assos qui étaient déjà présentes. Et il y a plein de gens qui du coup se sont réveillés et se sont dit mais il faut que je fasse quelque chose et du coup qui se sont après impliqués dans d'autres d'autres collectifs. Voilà, j'ai pas trop d'autres idées de trucs à dire. De toute façon, là, on va passer à la partie questions, donc ça va te permettre de développer ce que tu as commencé. Est-ce que certains ont des questions? Donc vous me faites un signe et puis je vous passe la parole. 1, 2. Moi, c'est juste pour te poser des questions sur l'avenir, parce que tu as parlé du passé là, de Rennes, donc et l'avenir, hein, qu'en est-il? Ouais, je vais m'asseoir en fait, ça me saoule d'être debout. Voilà. L'avenir, bah. L'avenir de Nuit Debout en tant que Nuit Debout, Rennes, je pense qu'il est pas. Je pense qu'il est pas énorme en fait. Parce que je te dis, on fait plus d'assemblées, hein, donc. Enfin, si, il y a la commission démocratie, j'ai oublié de dire, parce que moi j'y participe pas, il y a quand même la commission démocratie qui se réunit quasiment toutes les semaines. Donc, j'ai oublié de dire ça. Donc s'il y a une espèce d'assemblée Nuit Debout. L'avenir, honnêtement, je pense que l'avenir, il est plus dans les autres collectifs, en fait, mais que Nuit Debout a vraiment nourri. Hein. Moi, je discute avec des gens aussi qui n'ont pas fait partie de Nuit Debout, qui faisaient déjà partie d'autres collectifs, comme Greenpeace, comme Alternativa, et ils me disent que un mois après le début de Nuit Debout, ils ont senti vraiment plein de nouveaux militants venir à eux, et ça, c'est grâce à Nuit Debout. Donc pour moi, l'avenir, il se situe plutôt là. Donc l'avenir, en tant que Nuit Debout, je pense qu'il n'est pas énorme, mais l'avenir de la transition, du changement, de la révolution, tout ça, par contre, oui, mais pas au nom de spécialement de Nuit Debout. Mais en fait, à la limite, on s'en fout un peu, quoi. L'essentiel, c'est que les gens aient envie de se bouger, quoi. Moi, c'était juste pour savoir si vous étiez en contact avec Nuit Debout Lannion. Non ? Bah, ça dépend ce que tu appelles en contact, quoi. Il y a eu des messages un peu échangés comme ça. On est un petit peu au courant vaguement de ce qu'ils font. Mais non, moi par exemple, je saurais pas te dire une personne comme ça de Nuit Debout Lannion. Je saurais même pas te dire exactement ce qu'ils font. Donc je crois qu'ils recommencent. J'ai cru voir ça, mais non, on n'est pas vraiment, vraiment en contact. C'est possible, je sais pas, il y a dû avoir des échanges via la page Facebook de Nuit Debout Rennes, mais pas beaucoup plus que ça, quoi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à faire. Bon, moi j'en avais... Si, il y en a. C'est Nuit Debout Lannion que tu demandais. Enfin, nous, ce qu'on avait vu à distance, c'est qu'ils avaient eu des problèmes, de gros problèmes, non? Ils avaient subi un procès par la mairie, ils avaient été condamnés à payer, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Si tu peux en dire quelque chose, Céline? Tu peux en dire quelque chose de ça ou pas? Oui ou non, hein, t'es pas obligé. Hein. Je pense à un truc... Non, je sais pas exactement. Enfin, j'en ai entendu parler, mais franchement, je me souviens plus. Par contre, je sais qu'à Quimper... Il me semble que c'est à Quimper. Ils recommencent Nuit Debout et ils nous ont invités mi-avril à venir. Et du coup, moi et au moins une ou deux autres personnes de Rennes, on ira. Et ça nous fait vachement plaisir de les rencontrer. Voilà, donc à Quimper, je sais qu'ils recommencent. À Brest, je sais que ça a été mort un peu. Enfin, bon, il s'est pas passé grand-chose. Et à Lorient aussi, il y a eu une Nuit Debout assez active, mais qui n'existe plus trop, je crois. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, faites un signe. Du coup, moi, j'en ai. La première, oui, du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant comme ce que tu dis, c'est différent de pas mal d'autres Nuits Debout, comme aussi Nice avant. C'est justement l'expérience elle-même d'occupation des places qui semblait être intéressante et le savoir-faire là-dedans. Alors que toi, dans ce que tu dis, finalement, c'est que ça a permis voilà d'autres choses, mais que l'occupation des places elle-même, enfin, tu me diras si c'est ça ou pas, mais l'occupation de la place elle-même à Rennes n'avait pas forcément de sens pour les collectifs déjà existants ou autres. Et l'autre question que j'avais envie de poser, c'est justement par rapport aux groupes autonomes, etc. Est-ce qu'il y a eu des liens dans les actions qui ont été faites ou, ce que tu avais l'air de dire, assez rapidement, en fait, il y a eu pas clivage, enfin, voilà, deux questions déjà. C'était quoi la première question ? Non, mais en fait, bah là, je vous dis ça, c'est un an après, mais sur le coup, c'était complètement ouf, hein, l'occupation des places. Enfin, ça a quand même, là, comme ça, je dis un mois, mais un mois, c'était même un peu plus, un mois et demi. C'était tous les soirs, c'était une expérience hyper impressionnante et qui, pour des dizaines, voire des centaines de personnes, ça leur a vraiment changé la vie. C'était toutes ces discussions comme ça tous les soirs. Là maintenant, avec le recul, ça fait longtemps, donc c'est plus trop ça que j'ai dans la tête. Mais si, sur le coup, c'était ouf. Par rapport au collectif autonome, machin. En fait, nous, on va pas se mentir, ils nous aimaient pas trop. Mais par contre, nous, on les aimait bien. Donc, en fait, nous, on rejoignait tout ce qu'ils faisaient, quoi. Toutes les manifs, tout ce qu'ils lançaient, tous les appels qu'ils faisaient, nous, on les rejoignait, on essayait de filer des coups de main. Et je sais que moi, par exemple, c'est pas forcément le cas de beaucoup d'autres, mais moi, j'aime vachement bien ce qu'ils font et je pense que maintenant, on peut dire un peu que j'en fais partie, en fait, hein, des anarcho-autonomes de Rennes. Donc, les liens, ils se sont créés plus à titre personnel pour certaines personnes et en tant que collectif, c'est plus... Bah, nous, on y allait, en fait, quoi. Tous les appels à manif qu'ils faisaient, tous les appels à action qu'ils faisaient, on y allait. Donc, on y a participé comme ça, quoi. Voilà. D'accord, n'hésitez pas à participer, même si vous n'êtes pas habitué à prendre la parole. Justement, c'est aussi le principe ici de pouvoir parler dans un micro. En général, ça devient un peu une indiction après, mais... Donc là, on est avec quelqu'un de Nuit Debout Rennes. Donc, si vous avez des questions à poser sur ce qui se passe là-bas, ce qui s'y est passé, n'hésitez pas. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, parce qu'il y a quand même des gens de Nuit Debout Saint-Nazaire aussi, hein, ici. Je ne voudrais pas les désigner, mais... Donc on va leur passer le micro pour qu'ils disent peut-être un peu ce qui se passe aussi à Nuit Debout Saint-Nazaire quand même. Fallait me faire signe, hein. Ouais, bonsoir à tous. Nuit Debout Saint-Nazaire. Nous, on a commencé beaucoup plus timidement que Karen, notamment. Je vais vous faire un petit historique rapide, mais ça va être c'est vraiment du vite fait. En gros, le premier soir, donc on a commencé le 15 avril, donc un peu plus tard. Ça a été lancé un peu par hasard par une personne qui est à l'origine qui est de la CGT. Et du coup, ça a commencé donc le 15 avril. Il y a eu pas mal de monde. Sur le premier, on était 250, 300 à peu près. Ouais, comme ça ? Comme ça. Oui, pardon. Donc, du coup, ça a été lancé sur un appel d'une personne qui est à l'origine, qui est de la CGT, et qui a aimé l'idée de départ, quoi. Donc, on était 250, 300 le premier soir. Et ça avait de la gueule quand même au départ, quoi. On avait très vite diminué en nombre, en fait. C'est ça qui a été compliqué pour nous à Saint-Nazaire, c'est que ça a pas mobilisé très longtemps. On a toujours eu une trentaine de personnes pendant vraiment un bon moment. On n'était pas là tous les soirs, nous on était là une fois par semaine seulement. Et on avait en moyenne une trentaine de personnes à chaque fois qu'on faisait une Nuit Debout. C'était toujours des gens différents, c'est ça qui était intéressant aussi. Et on avait quand même un collectif de base qui était présent tout le temps et qu'on a réussi à conserver. Nous, on a passé quand même énormément de temps à discuter vraiment entre nous. Saint-Nazaire, c'est une ville ouvrière et on a ressenti un besoin de se connecter, de faire connaissance et tout. À Rennes, vous voyez, il y a énormément de collectifs déjà militants de gauche qui sont déjà très, très actifs et tout. À Saint-Nazaire, c'est absolument pas du tout le cas, quoi. Y a beaucoup de gens, enfin, ça a une tendance à être de gauche quand même, mais il n'y a pas de collectif militant plus que ça, quoi. Ça passe principalement par des syndicats ou par des organisations qui existent déjà, qui sont des grosses structures, quoi. Du coup, le militantisme citoyen, comme on l'a fait, c'est assez particulier. Ça n'a pas été particulièrement bien suivi, quoi. Par contre, on a réussi à se rencontrer, et autour de ça, on a réussi à relayer et à s'impliquer dans des luttes un peu périphériques. On a passé du temps sur un jardin partagé, notamment, qui est appelé à être détruit, qui est vraiment au cœur de Saint-Nazaire, qui est un endroit magnifique. Et du coup, les gens qui s'en occupaient à l'avance sont pas particulièrement militants, eux. Et du coup, on a eu du mal à faire la liaison avec ce que nous revendiquions et ce que eux essayaient de faire au quotidien dans ce petit terrain-là. Mais on a essayé quand même. Le fait est qu'il sera détruit, hein, ça c'est sûr et certain. On n'a pas réussi à porter vraiment la parole jusqu'au bout. Par contre, on a essayé de s'impliquer, quoi. On a beaucoup travaillé avec les syndicats. Ça, c'est une spécificité aussi de Saint-Nazaire. On ne l'a pas retrouvé ailleurs dans les autres Nuits Debout. Il y a souvent de la compétition ou de la méfiance envers les syndicats et envers Nuits Debout, réciproquement, hein. Nous, ça n'a pas du tout été le cas. On a travaillé assez main dans la main, notamment avec la CGT, par rapport au piquet de grève de Donge. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À l'époque, ça avait fait pas mal de bruit parce que ça bloquait les stations essence et tout. Et le piquet de grève qu'on a tenu là-bas, c'était quand même bien du costaud. On a créé des solidarités qui étaient super intéressantes, quoi. Qui se préservent encore aujourd'hui. Hein. On continue le relais, quoi. On a essayé de travailler aussi main dans la main avec des associations qui s'occupent de migrants. On a fait principalement de l'accueil et c'est très très différent de ce qu'on a entendu tout à l'heure par rapport à Nice, où là où ils sont vraiment au cœur de l'action, entre guillemets, ils sont vraiment au front, quoi. Nous, on est beaucoup plus dans de l'accompagnement. On file un coup de main quand il y a besoin de bois ou de choses comme ça. On va en chercher pour eux là où on peut nous en trouver facilement. On leur permet de se changer les idées en organisant des bouffes ou des choses comme ça. Il y en a même un qu'on a emmené faire une manif à Nantes alors que ça pétait de partout et tout. Enfin, là, il s'est fendu la gueule, il était mort de rire. Hein. Ça lui rappelait un peu Calais, il avait connu la jungle de Calais. Et, pour lui, c'était un peu de la gnognotte, les affrontements à Nantes, quoi. Bref, voilà, donc c'est surtout de l'accompagnement, du soutien moral, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les migrants. C'est pareil, on continue à travailler avec eux main dans la main. On n'est pas forcément très puissant dans nos actions. Il y a des trucs qu'on a fait qu'on a complètement foiré. On s'est craqué un bon paquet de fois quand même. Mais ça fait partie du jeu. Hein, faut tenter de toute façon. Mais il y a des choses qu'on a plutôt bien réussi. Voilà, ça on en est content. C'est pareil, tenir la place qu'une seule fois par semaine, comparé à Nice, par exemple, qui sont super impressionnants. Hein. C'est vrai que ça fait un peu ridicule, mais en même temps, on n'a pas à rougir, quoi. Je veux dire, voilà, on a fait ce qu'on a pu et on fait ce qu'on peut, voilà, à notre hauteur, quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet? On a la ZAD, bien sûr, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui nous a vraiment beaucoup occupé aussi à l'automne, où c'était chaud bouillant et ils étaient prêts à attaquer. Ils nous promettaient une pluie de météorites sur la Z, quoi. On a rencontré beaucoup de gens aussi là-bas. Il y a certains qui sont venus à Nuit Debout, qui ont fini par habiter là-bas carrément, qui ont construit une cabane et qui sont encore là-bas maintenant, qui nous envoient des relais aussi, qui nous envoient des infos. Donc si vous voulez, on peut vous envoyer des nouvelles de la Z d'ailleurs à Nice. Nous, on a des gens sur place, on connaît du monde qui pourra vous en dire plus, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme sujet? On a fait deux commissions. Enfin, on avait arrêté l'occupation de la place au mois de septembre-octobre, par là, parce qu'il faisait froid, et qu'il y avait quasiment plus personne qui venait à part les gens qui étaient déjà impliqués finalement. Et on a décidé d'arrêter d'occuper la place. Et par contre, on s'est tourné vers l'éducation populaire. On a voulu sensibiliser les gens à des choses qui sont vraiment qui nous concernent. La commune de, on a fait une commission sur la commune de Paris, une espèce de conférence débat sur la commune de Paris, histoire de mettre en écho ce qui se passe aujourd'hui sur les places et ce qui a pu se passer à l'époque de la commune de Paris. Ça a eu pas mal de réussite, hein. On a eu une cinquantaine de personnes qui sont venues, des choses vraiment très intéressantes qui sont ressorties de tout ça. Et on a fait une conférence débat sur le féminisme aussi, en deux parties. Mais c'est pareil, c'était super intéressant et les gens qui se sont occupés de ça ont fait un travail vraiment super intéressant. Là, on va rattaquer la place, on va réoccuper la place à partir du 15 avril. Et on a, hein? Et ouais, mais c'est ça, hein. Enfin, faut rattaquer le pouvoir, c'est exactement ça. Le lapsus est révélateur, je suis d'accord. Et du coup, on va reprendre la place. On part sur une nuit debout tous les mois. Donc à partir du 15 avril, hein, vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Donc on part sur une nuit debout par mois. On va peaufiner nos sujets, on va essayer d'avoir plus de relais aussi auprès des assos qu'on connaît, qu'on côtoie. Pour ce qui est des cités et des quartiers populaires, on va essayer de s'intégrer entre guillemets à leur combat à eux. Je pense que c'est une démarche qui peut être intéressante pour tout le monde, c'est-à-dire de nous-mêmes nous sensibiliser à ce que eux font déjà pour eux. Je veux dire, voilà, ils sont grands, hein, ils se démerdent tout seuls sans nous, ils n'ont pas besoin de nous, quoi. Et du coup, on va essayer de s'intégrer à leur combat et après leur proposer éventuellement de rejoindre les nôtres. On va faire ça en plusieurs temps, je pense que ça doit prendre un temps fou, j'imagine. Bon, bref, on verra bien. Et en dehors de ça, il y a des collectifs qui se sont montés autour de notre mobilisation et de nos relais, enfin nos petits réseaux. Il y a un groupe antifasciste qui s'est monté pour la venue de Marine Le Pen à Rennes, à Nantes, il n'y a pas si longtemps là. Donc c'est pareil, c'est un truc qui est appelé à être pérennisé, je pense. Et c'est pareil, on a un Leclerc qui est en train de se monter à Pontchâteau, là, dans une petite ville à côté. Sur des terres, sur des terres agricoles, un terrain humide, exactement comme à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, hein, c'est à peu près le même style de sujet. Et de la même façon, l'Europe a dit que le chantier était illégal, quoi. Et donc, on va essayer de faire, on fait ce qu'on peut pour essayer d'arrêter le chantier. Bon, pour l'instant, on est une cinquantaine à tout casser, quoi, à s'occuper de ce sujet-là. Mais je pense que quand les habitants de Pontchâteau vont prendre conscience de ce qui se passe, on pourra peut-être avoir plus de relais. On verra si on fait une nuit debout là-bas ou quoi, je sais pas. Ça, c'est encore dans les tuyaux, quoi. Voilà, donc on a pas mal de sujets, on papillonne pas mal. On fait beaucoup de relais d'infos aussi, de relais de combats qui se passent déjà, où les gens sont déjà impliqués. Et... on a un groupe qui est super solide et ça on en est vachement content. Il y a très peu de dissensions entre nous, on n'est pas d'accord sur tout, mais on en discute et on se respecte. Et on a un groupe qui est vraiment solide, quoi. On est une petite dizaine de vraiment actifs et on est une vingtaine en gros à être impliqués différemment, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc pareil que tout à l'heure, maintenant on va passer à la partie débat, questions. Donc n'hésitez pas, vous me faites un signe et je vous passe la parole. Il y avait Céline après. Et même les personnes qui viennent d'arriver, hein, je rappelle juste qu'en fait là aujourd'hui à Debout Éducation Populaire, on accueille les autres Nuits Debout qui viennent pour les 1 an de Nuits Debout ce week-end. Donc on a eu tout à l'heure Nice, on a eu Rennes, et là c'est quelqu'un de Saint-Nazaire qui vient nous parler justement de l'occupation des places là-bas et de la situation actuelle. Ouais, moi, je t'ai trouvé ça super intéressant ce que tu racontais, et c'est à moitié une question et à moitié un truc que j'ai oublié de dire. Je voulais savoir si vous aviez lancé des automédias, quoi, des petits médias, et ça me fait l'occasion de dire que j'ai oublié de dire qu'à Rennes, quand même, on a un des trucs qu'on a fait, c'est de lancer des médias, notamment ce super journal West Torch, qui est une espèce de parodie du journal de merde qu'on a qui s'appelle West France, qui est un un ramassis de dégueulasserie. Et il y a eu aussi une radio qui a pas été lancée par Nuit Debout, ça a été lancé par le mouvement, mais moi je sépare pas forcément Nuit Debout du reste. Enfin, c'est des trucs issus du mouvement contre la loi travail. Il y a eu une radio qui s'appelle Radio Croco qui est encore là, qui est enfin c'est trop génial, c'est une radio de lutte. Il y a nous notre journal Westorge qui a par contre ça pour le coup ça a été vraiment lancé par des gens de Nuit Debout. Et aussi un autre journal qui s'appelle Noctambule qui a aussi été lancé par des gens de Nuit Debout. Donc voilà, on a fait des médias. Et donc est-ce que vous avez vous avez fait des médias comme ça ou c'est plus juste votre page Facebook ou comment vous est-ce que vous avez un site internet, est-ce que voilà comment vous communiquez un peu, c'est ça ma question. C'est la partie com. on n'a pas de médias, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Après on a quand même très peu de moyens de ce point de vue-là, je crois. Bah, on a une page Facebook, on a Louiki, on a voilà, mais on se contente de ça pour l'instant. Après, nous on compte pas mal sur le bouche à oreille et sur les diffusions qui se passent sur Facebook. À Saint-Nazaire, ça me semble assez compliqué, honnêtement. Après, ça se discute. Hein, peut-être que je me fais des idées et que ça l'est pas, mais ça me semble assez compliqué, quoi. Après, je sais pas. Là, moi, je comptais un peu sur justement les conférences débats qu'on a envie d'organiser pour créer du buzz, quoi. Si c'est un peu ça la question. Mais effectivement, la question d'un média peut être assez pertinente à poser, quoi. Pour l'instant, non. Moi, je voulais juste dire tout à l'heure, parce que tu disais que c'était pas tous les soirs et tout. Ça s'est trouvé comme ça, hein. On a été 2-3 disponibles et pour qui le mouvement a été quelque chose d'exceptionnel pour nous. Et donc voilà, il faut pas, surtout pas. Comment ? Oui, il fait beau. je sais pas si c'est un. Mais bon. Et. Bah, on a eu l'hiver quand même qui a pas été facile, hein. Même s'il est. Oui. Du coup, je sais. Oui, voilà. Donc, c'est aussi important si c'est une fois par mois ou une fois par semaine ou vraiment, c'est. Il faut pas. Enfin, voilà. Je sais pas. On veut pas se valoriser, quoi. C'est. Ça s'est trouvé comme ça. Hein, c'est tout. Hein, c'est. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Il y a encore les personnes de Nice et de Rennes qui sont là. Donc, allez-y. Ouais, à Nice, je comprends que vous ayez plus de simplicité. Honnêtement, dans l'ouest de la France, nous, la place, elle est très venteuse et il fait vite froid, quoi. Honnêtement, je pense que ça joue. Après, il y a une question d'énergie aussi. Nous, on a voulu se préserver. Si on avait dû être là tous les soirs, on se serait mais crevé à une vitesse monumentale, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que je sais pas comment vous faites pour avoir autant d'énergie, quoi. Moi, j'ai besoin de me reposer. Enfin, les nuits debout, ça peut être très fatigant, quoi. Je veux dire, quand il fait froid et qu'il y a du vent et qu'il y a de la flotte, ça, c'est plus fatigant que quand il y en a pas, quoi. Déjà, rien que ça. Eh oui. Ah oui, c'est ça. Non, c'est vrai que même ici à Paris, on l'a ressenti. Enfin, ça change quelque chose. Hein. On a bien vu qu'à partir du mois de novembre, déjà l'occupation de la 19h, c'était pas possible. Il y avait personne. Là, vous voyez la place. Le nombre de personnes qui passent, c'est incroyable. Et quand il y a deux personnes qui passent en une heure, bah forcément, ça change quelque chose. Mais parce qu'il fait froid, parce que les gens rentrent plus tôt, parce qu'il pleut, parce que voilà. Après, l'autre aspect qui est sympathique quand même quand il pleut, peut-être que vous avez pas trop connu ça à Nice, c'est que quand il pleut et qu'il y a une bâche, et bah du coup toutes les personnes restent du début à la fin sous la bâche. Et ça fait quelque chose d'assez sympathique aussi. Donc c'est l'aspect positif de la pluie, mais plus le froid, c'est assez méchant. Ouais, en fait, moi c'était donc Saint-Nazaire, il fait vite froid, il pleut souvent. Quelle solution vous avez trouvé pour justement résister à la pluie et au vent et au froid ? Après le point com, le point logistique. Alors, on avait vraiment pas grand-chose en termes de logistique. On avait un pauvre parasol qui était quand même pas mal grand, mais voilà, c'est quand même qu'un parasol, quoi. Et on a vite été coincé avec ça. Par contre, on avait un peu comme là, ça fait un petit préau, quoi. Et il y a plusieurs soirées qu'on a fini sous le préau, tout stassé contre le mur, à continuer à discuter, à rigoler, à boire des coups et tout. Et enfin, voilà, on a bricolé, hein, aussi. Hein. Et il y a des soirs où ça s'est fini chez des potes qui habitent pas loin. où voilà, on était plus que 10 à la fin ou 8, et voilà, et finalement on finit chez le copain à côté boire des coups et à refaire le monde jusqu'au bout de la nuit. Mais en général, on finissait relativement tôt aussi, hein, sur les coups de 22h, 23h, minuit, souvent on s'arrêtait là, quoi. Après, il y a des soirs où on a traîné plus longtemps. Et il y a des quand il a fait beau, on a tenu jusqu'à 2-3 heures du matin. Il y a aussi des moments où il fait beau quand même, faut pas déconner. Hein. Ouais. Ah, j'avais aussi juste une question après, mais je vais te donner la parole. C'est quel rapport avec la police, avec la préfecture, tout ça, quel type de confrontation mais vas-y. Alors la police, avec nous, elle a été d'abord très discrète. C'est-à-dire qu'on a eu la BAC qui est venue nous infiltrer vite fait. Voilà. Bon, on ne les a pas forcément vu venir à chaque fois. Il y a des fois, si, quand même, c'était vraiment flagrant. Mais la plupart du temps, au début en tout cas, ça a été très discret, quoi. Ils ont voulu juste savoir à qui ils avaient affaire. Ils ont vu qu'on n'était pas bien méchants, on n'a jamais rien cassé. On était allé voir tous les commerçants du quartier avant de faire la première, en leur disant voilà, on vient occuper la place, on vient pas vous foutre le bordel, on vient pas casser. Enfin voilà. Donc déjà on a été plutôt bien accueillis de ce point de vue-là, je pense. Donc les autorités nous ont laissé faire à peu près tout ce qu'on voulait. Ça n'a jamais été trop méchant non plus. Hein. Par contre, ça a changé. À partir du moment où il y a eu une police de proximité qui est venue nous voir, qui a été réimplantée à Saint-Nazaire, que c'était pas le cas avant, et ils sont venus nous voir carrément. Ils étaient même plutôt contents qu'on soit là parce que il y avait du bordel à côté. Il y avait de la vente de drogue et des choses comme ça. Donc ils étaient plutôt contents qu'on soit là, occuper la place. Ça faisait, ça changeait d'animation, quoi, pour eux. Ceux-là, ça allait encore. Ils ont été convenables, on va dire. Pour finir, on a eu quand même un petit accrochage avec la BAC en fin de manif. On s'était retrouvé sur la place pour discuter, débriefer un peu de la manif. Et ils ont fini par arriver, prendre les identités de tout le monde, machin et tout, d'une manière assez brutale, quoi. Et ils ont fini par m'embarquer parce que j'ai fait le malin, bref. Et ils ont fini par m'embarquer. Du coup, branle-bas de combat quand même. Hein. C'est là où la solidarité qu'on a construite depuis le début, elle a joué. Branle-bas de combat à la CGT, branle-bas de combat dans les nuits debout et tout. Et voilà, enfin, tout le monde commençait à passer des coups de fil. Il allait y avoir mobilisation s'il laissait traîner, quoi. Et bon, j'ai fini par sortir. Voilà. Mais ça pourrait devenir compliqué si on devait sortir les gros bras, quoi. Après. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé en règle générale, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, si tu peux dire quelque chose par rapport à Rennes sur la même question. Par rapport à la police, bah en fait, nous, le truc, c'est qu'à Rennes, il y a tellement de gens vénères, tu sais, les fameux anarcho-autonomes, que du coup, nous, Nuit Debout, franchement, les flics, ils en avaient vraiment rien à foutre de ce qu'on faisait. Enfin, ils nous ont vraiment foutu la paix, hein. Ouais, non, ils nous ont pas embêtés. Après, ils nous ont beaucoup embêtés pendant les manifs, mais c'était pas Nuit Debout, quoi. C'était les syndicats, les anarcho-autonomes, machin. Ça, par contre, ils sont vraiment atroces à Rennes, les flics, mais avec Nuit Debout en particulier, non, ils nous ont foutu la paix. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a accepté de pas aller dans l'hyper-centre-ville, ce qui a peut-être été une erreur, d'ailleurs, je sais pas, mais à partir de ce moment-là, du coup, en fait, même la maire et le préfet nous a dit... Après le 31, ils nous ont dit non, c'est mort, vous allez pas dans le centre-ville, mais si vous voulez, on vous laisse cette place-là, quoi, la place Charles de Gaulle, celle où on a fait Nuit Debout. Et bah du coup, ils pouvaient rien faire, parce qu'ils nous avaient dit, vous pouvez aller là. Je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on n'accepte pas et qu'on continue les affrontements. On a accepté, on a été sur cette place-là. C'est vraiment le point principal qui a fait que les autres militants, ils nous ont pas rejoints d'ailleurs. Et donc non, ils nous ont pas embêtés. Et moi, je voulais te demander, je vois à Rennes, donc il y a une prise de conscience que on est obligé de faire quelque chose, on peut pas laisser les migrants crever, on peut pas laisser la dictature s'installer, enfin, cette prise de conscience-là, qu'on est obligé de faire quelque chose et qu'on peut faire quelque chose, cette prise de conscience-là, on n'a pas attendu Nuit Debout, il y a plein d'autres gens qui l'avaient déjà, il y avait plein d'autres groupe militant et tout ça, mais c'est ce qui est sûr, c'est que Nuit Debout, ça a été tout d'un coup pour des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Voilà, tout d'un coup, il y a eu des centaines de personnes qui l'ont eu, cette prise de conscience-là. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que quand on se balade dans Rennes, ça nous arrive de croiser ces gens-là qu'on a côtoyés pendant un mois, mais qui sont partis, qui font plus partie de Nuit Debout maintenant. Et voilà, c'est quand même super agréable quand on les recroise et qu'ils nous disent mais non, mais enfin, ok, j'en fais plus partie, mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Depuis, je m'implique. On a créé un journal. Maintenant, je suis dans tel collectif, je suis dans tel asso. Enfin voilà, je me suis vraiment impliquée grâce à ça. Et du coup, je voulais savoir si ce que tu disais, que vous vous étiez réduit assez vite, mais est-ce que ça vous arrive des fois de croiser les gens qui étaient là les premiers jours, qui sont après partis, mais est-ce que vous avez un petit peu des nouvelles un peu de ces gens-là? Est-ce que ça vous arrive de les recroiser? Est-ce qu'ils vous disent ouais, je suis resté deux jours, je m'en fous. Ou est-ce qu'ils vous disent ouais, c'était une expérience. Même je suis passé trois fois, mais ça m'a trop fait halluciner. Voilà, est-ce que vous avez des nouvelles de ces gens-là? Je reprécise pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc là, aujourd'hui, Debout Éducation Populaire accueille les autres Nuits Debout de France. Enfin, on en a au moins trois. Là, on a Nice, Rennes et Saint-Nazaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser par rapport à ce qui s'est passé depuis un an, en fait, sur les autres places de France et ce qui s'y passe encore. Là, voilà, la parole, comme toujours, est ouverte à tous ceux, celles qui souhaitent la prendre. Donc, n'hésitez pas. Vous me faites un signe. Par rapport à l'engagement, c'est un peu ta question qui a suscité Nuit Debout. On est plusieurs, moi le premier. Hein. Je m'intéressais déjà beaucoup à la politique avant, mais je militais pas. J'y pensais, j'avais déjà réfléchi à certains trucs. C'est ça, exactement. Pour le coup, je suis absolument pas le seul. Hein. On est quelques-uns comme ça à s'être lancé un peu dans l'aventure sans avoir jamais fait ça avant, par Nuit Debout. Quoi. Après, de ceux qui sont venus les premières fois et qui sont juste passés, je pense que c'est... de ceux qu'on voit plus, ou peu, c'est des gens qui avaient déjà plus ou moins en tête de le faire un peu de la même manière. Je pense pas qu'à Saint-Nazaire, ça ait vraiment réveillé une conviction militante. Je pense que ce serait abusif de dire ça. Peut-être pour certains, voilà, mais c'est un tout petit nombre en tout cas, quoi. C'est pas comme à Rennes en tout cas. Je voulais revenir sur les affrontements avec la police et enfin les relations avec la police. On est beaucoup allé à Nantes filer des coups de main pour les manifs. On l'a fait plein de fois pendant un an, quoi. Parce que ça bouge beaucoup plus à Nantes, à Saint-Nazaire. On fait pas des manifs, on fait une promenade, quoi. Autant en 2010 il y avait des cocktails Molotov sur la sous-préfecture, c'était monstrueux, autant là en 2016 c'était mais éteint, quoi. Et du coup on allait à Nantes assez souvent, on est allé à Nantes filer des coups de main, et du coup on a créé des liens avec Nuit Debout Nantes à cette occasion là d'une manière assez intéressante aussi, quoi. Dommage qu'il soit pas là ce soir, hein, je tiens à le dire, après bon. Je veux bien dire un truc sur Nantes, même s'ils sont pas là, mais moi ce que je trouve un des milliards de trucs qui est super cool avec la Nuit Debout à Nantes, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens des Nuits Debout de Nantes qui ont formé des équipes de street medic pour les manifs, et ça les a vachement aidés à créer des liens avec les militants vénères de Nantes. Enfin, il y a vraiment dans les street medic de Nantes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Nuits Deboutistes. Et du coup, c'est des gens qui se sont... impliqués, qui se sont rendus compte que ça c'était nécessaire grâce à Nuit Debout, enfin, ou entre autres grâce à Nuit Debout. Ah oui, je m'excuse avec tous mes respects, gentiment et poliment, avec tous mes respects, gentiment et poliment, avec tout mon cœur, gentiment, je m'excuse de vous déranger. Moi je dois dehors là-bas, avec mes frères, gentiment, là, au Bécanf. On est à 5. On voulait juste trouver un logement pour dormir tranquillement au chaud, comme vous. Trouvez-nous une solution. Ça serait mieux. Au lieu de parler autre chose inutile, ça serait mieux de trouver une autre solution. Ça serait mieux. Je m'excuse. En tout cas, bravo. Shalom. Bam. Au lieu de parler de ces choses-là, des millionnaires. Mais vous ne nous dérangez pas, hein, vous pouvez prendre la parole, au contraire. Madame, vous aviez quelque chose à dire ? Oui, je n'ai pas du tout le micro. Bon, Alors, je suis dans la communication par ma profession et j'habite à la campagne. Donc, je sais à quel point la communication est importante. Je sais que, aussi qu'à la campagne, la nuit debout, ça n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans les médias, dans voilà, les radios, les journaux, centralisés, et pour être présent partout, pas seulement dans les grandes villes. Voilà. Centralisé, jamais. Enfin, on est trop anarchiste en fait. On veut pas centraliser. Donc, Nuit Debout, ça sera jamais centralisé nulle part, jamais. Voilà. Peut-être pour redire un point, parce qu'on a parlé des médias aussi tout à l'heure, et on disait très franchement, de toute façon, les médias disent ce qu'ils veulent et vont où ils veulent. S'ils veulent relayer quelque chose qui se passe en campagne, ils vont le faire. Par contre, on peut aussi, à Paris, leur demander de venir quelque part, et s'ils veulent pas, ils viendront pas. Donc, Mais, tout à l'heure, on a parlé de journal aussi qui se sont créés, justement, à Nice, à Rennes. C'est pour cela que je parlais de la centralisation, parce que, bon, ça c'est à Rennes, mais ailleurs, hein. Voilà. Alors, tu veux répondre là-dessus ou... Non, je continue à... Il y a une TV qui s'est créée à Toulouse, où on avait Radio Debout ici à Paris, qui de temps en temps revient, qui était une ex, enfin qui est, qui il y avait une équipe de Radio France là-dedans. Moi, ce que je crois comprendre dans votre question, c'est, disons, si on mutualisait, c'est pas centralisé, si on mutualisait sur un site des sons et des images, ça pourrait servir à tout le monde, voilà. C'est pas un comité central. Voilà. Ça, je crois pas qu'on en ait discuté. En tout cas, à Paris, j'en ai pas entendu parler. Et de l'autre côté, il faut avoir des personnes disponibles techniquement. S'il y a plusieurs villes qui font une demande, puis on se met ensemble, on peut envisager de voir comment on peut le faire. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est important. Les petits coins, moi j'en connais d'autres, des villes moyennes, 5000 personnes, il n'y a pas de Nuit Debout, enfin voilà. Donc ce serait intéressant, ce serait même important qu'on puisse mettre y compris les périscopes, tout sur un même machin, quoi, voilà. Par internet par contre, le seul moyen qu'on a, nous, c'est internet, et le papier comme à Rennes, voilà. C'est vrai qu'à Paris, il y a la Gazette Debout aussi qui relaie non seulement les choses parisiennes des Nuits Debout, mais aussi les autres Nuits Debout, en fait. Donc, il y a même des personnes individuellement qui sont passées dans une Nuit Debout n'importe où en France et qui ont pu envoyer un article ou une expérience en disant voilà ce que ça a été pour moi. Et donc, il y a ça qui a été relayé. Après, il faut connaître la Gazette Debout. Il faut, du coup, envoyer l'article dedans. Enfin, voilà, il y a ce réseau de communication. Je pense qu'on n'en a pas forcément parlé, mais c'est quand même la chose la plus difficile, en fait, à mettre en place quand il y a plein de choses qui se passent comme ça dans différentes villes, mais il y a aussi eu des choses dans les campagnes, en France. Et je crois qu'on n'est encore pas du tout au point, même actuellement, sur la communication. Et c'est là qu'on se rend compte, d'ailleurs, que le réseau médiatique institué est très très très très puissant, parce qu'ils ont créé quelque chose qui est tellement soudé qui fait que du coup en face pour se constituer c'est extrêmement difficile. Ouais, si je peux me permettre, les Nuits Debout, le principe c'est que ce soit spontané. Et je veux dire, rien n'interdit à une ville qui fait 5000 habitants d'avoir une Nuit Debout de 2500 personnes. Il n'y a pas de lien. Il suffit que les gens se bougent, ils peuvent faire leur Nuit Debout comme ils veulent. Tout le monde est libre, quoi. C'est pas nous qui allons choisir de faire une Nuit Debout, je sais pas où, quoi. Même si on voulait, on pourrait en parler aux gens du coin et les aider à le mettre en place, ça oui. Mais c'est pas nous qui allons la faire, de toute façon. C'est les gens sur leur place à eux qui les font, quoi. D'ailleurs, si on devait commencer à faire comme ça de la propagande de ville en ville pour aller chercher des gens qui fassent des Nuits Debout, on commencerait à devenir un peu dictateur, quoi. Et c'est absolument pas du tout l'idée, quoi. Pour ce qui est des médias, j'aimerais bien remettre une chose à sa place aussi. C'est souvent C'est des choses qu'on entend beaucoup, la relation aux médias, la relation à la communication, les échos qu'on peut avoir de Nuit Debout. Voilà. Nous, perso, on s'en fout, mais complètement. Quoi. Que les gens en parlent ou pas, on s'en tape, mais complet. Quoi. Je veux dire, nous, ce qui compte, c'est ce qu'on fait chez nous. Quoi. C'est quand on aide des migrants, c'est quand on soutient un jardin, c'est quand on va se voir à la ZAD, soutenir la ZAD. Voilà, enfin nous c'est ça qui compte quoi. Après, que les gens le sachent ou pas, bah voilà, enfin soit ils veulent nous rejoindre et à ce moment-là ça a du sens, ok. Mais enfin que la plupart des gens qui s'en foutent ne l'apprennent pas, bah on s'en fout quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques par rapport à justement les différentes nuits debout en France hein? Maintenant, on peut élargir sur les nuits debout existantes, ou même si vous avez des remarques vous à faire par rapport à ça, hein, les critiques sont plus que bienvenues, hein, comme toujours. Ah, je voulais aussi peut-être juste ajouter un point, c'est qu'il y a aussi eu, dans cette reliance et communication, il y a aussi eu des marches qui ont eu lieu. Il y a eu Vélo Debout pendant l'été et il y a eu une marche qui est partie de Marseille et qui est arrivée à Paris et qui a permis justement de passer dans plein de petites villes, voire villages. Et très franchement, c'était assez intéressant de voir que certaines personnes disaient « Ah si, nous, on a été à Nuit Debout là-bas, puis on a fait des Nuits Debout assez régulièrement ici, mais ça n'a jamais été relayé ailleurs ». Mais il y en a eu dans beaucoup de villages aussi. Enfin voilà, c'est des choses qui ont existé à partir du moment où les gens se sont saisis de l'idée et ont commencé à... Parce que pourquoi est-ce qu'aussi, une des raisons pour lesquelles il y a eu un besoin dans plein d'endroits de faire ce type d'occupation de place, c'est parce que les gens ne se rencontrent pas, ne se rencontrent plus. Et ça, c'est pas que dans les grandes villes, c'est aussi dans les plus petites villes. Donc ce besoin-là a été ressenti dans énormément d'endroits. Après, c'est vrai que dans les endroits peut-être vraiment où il y avait moins de monde, où les gens se connaissent tous déjà, quel intérêt de faire une occupation de place? C'est aussi dans ce sens-là qu'il faut le poser, en fait, par rapport à la densité de population. Est-ce qu'il y avait... Oui, tu voulais dire quelque chose? Ah mince, bon, on a dit la même chose. D'accord. Oui. Et n'hésitez pas vraiment à participer, hein, tous ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Voilà, super. Je vais d'abord... Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, de prévu pour l'anniversaire de Nuit Debout aujourd'hui? Alors, du coup, je réponds, bah, vous êtes là. Donc... Alors, en fait, il y a quelque chose de prévu aujourd'hui, demain et après-demain. Donc là, moi, je vais parler par rapport à Paris, mais il y a d'autres endroits en France où ils font aussi des choses. Et d'ailleurs, même demain, à Paris 13, enfin dans le 13e, il y a aussi la reprise d'une occupation de la place. En tout cas, pour aujourd'hui, donc il y avait déjà ça, Debout Éducation Populaire cet après-midi, qui invitait voilà les autres Nuits Debout pour venir témoigner. Ensuite, à 18h, donc dans peu de temps, va y avoir une assemblée, je pense, vers le milieu de la place, là-bas, qui va poser la question de un an après Nuit Debout, où en sommes-nous, qu'est-ce qui s'est passé pendant un an, et comment s'organiser, comment prévoir les choses à venir. Ensuite, demain, alors après, pardon, excusez-moi si je coupe le soir entre-temps. Ensuite, va y avoir un concert organisé par les personnes de Saillant, et un débat avant, justement, sur tout ce qui s'est passé à Saillant ces dernières années. Demain, il y aura d'abord au Jardin des Tuileries, les propositions de démocratie de Rennes et de Paris. Et ensuite, l'après-midi, ce sera à Stalingrad, où il y aura aussi plusieurs prises de parole dans l'après-midi, des différentes Nuits Debout. Le soir, il y aura un multiplex à 19h. Ensuite, il y aura la projection d'un film et un concert. Et la grosse journée, en fait, ça va être donc dimanche à République, où va y avoir justement énormément de collectifs qui étaient là avant Nuit Debout, qui vont émerger de Nuit Debout, enfin de personnes ayant participé à Nuit Debout, qui vont venir sur la place pour présenter leurs actions en faisant des stands. Et aussi, donc à 17h, du coup, il y aura ce qu'on a appelé le rendez-vous des printemps, qui a pour vocation de devenir hebdomadaire, pendant lequel, justement, l'idée, c'est de devenir un autre réseau de diffusion que l'espace médiatique habituel, où toutes les personnes qui portent une lutte, qu'elles soient sous forme de collectif, que ce soit plus autonome, que ce soit une association, vont venir dire, bah voilà, on se présente rapidement, voilà ce qu'on a fait la semaine dernière, ce qu'on porte et ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et comme ça, toutes les personnes passantes, n'ayant pas forcément déjà rejoint un collectif ou autre, vont pouvoir se dire, ah voilà, ça m'intéresse plus, j'ai envie de le rejoindre, ou ça m'intéresse plus. Donc l'idée, c'est pas de partir partir sur un débat sur oui, votre mode d'action, on le préfère, non, celui-là, c'est plus intéressant. C'est qu'on connaisse en fait tout ce qui existe et qu'on puisse rejoindre et que ces personnes-là puissent se rencontrer. Donc ça, c'est de 17 à 19h. À 19h, va y avoir l'orchestre debout. Donc je pense que vous l'avez déjà vu ici, c'est magnifique. C'est assez géant, en général, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde et ça vaut largement le coup. Et à 21h, il y aura la projection d'un film L'An 01. Voilà pour le programme du week-end, mais c'est un redébut. En fait, non, en fait, c'est au bout d'un an, mais en sachant que ça ne s'est jamais arrêté, parce qu'on on vient d'avoir déjà le témoignage d'autres Nuits Debout. À Paris, il y a eu aussi une occupation de la place tous les week-ends. Et le printemps est venu très tôt en plus cette année. Bon, j'arrête le programme du week-end, en tout cas, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur ce qui a été dit jusque-là, poser des questions aux autres Nuits Debout de France? Allez-y, levez la main, je viens vers vous. Moi, je voulais rajouter un petit truc par rapport aux Nuits Debout des campagnes, parce qu'en fait, autour de Rennes, on a été un petit peu en lien, on a un peu vu ce qui a été fait, et il y a eu une Nuit Debout à Saint-Aubin-du-Cormier. Donc, vous pouvez constater du fait du nom que c'est un petit bled. Et ils se sont réunis pendant super longtemps, toutes les semaines. D'ailleurs, je me demande s'ils ne se réunissent pas encore. Et eux, en fait, ils ont fait de l'éducation populaire. Ils faisaient une action qu'on appelle porteur de parole, où ils vont sur un marché, ils posent une question du style « Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire les élections en 2017 ?» Et ils notent tout ce que les gens racontent et après, ils l'affichent. Et ils ont fait ça toutes les semaines pendant super longtemps. Et ils étaient un collectif, ils étaient hyper intéressants. Moi, je suis allée les voir plusieurs fois. C'est vraiment un petit bled. Il y a quoi? Il y a 5000 habitants, un truc comme ça. Et il y a aussi à Guichin, où là aussi, ils ont fait une Nuit Debout, pareil, hebdomadaire, pendant très très longtemps. Et eux, ils ont été pas mal en contact avec les paysans, tout ce qui était lutte par rapport à l'agriculture. Et moi, je les connais, eux, parce que c'est pas très très loin de Rennes, c'est à une demi-heure de Rennes, un peu moins. Mais je pense que des petites Nuits Debout comme ça, il y en a eu vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est juste que les médias en avaient rien à faire, et ils avaient pas forcément l'énergie, la volonté de créer des médias, de faire des articles, mais sur place, eux, ils ont fait des trucs, et même celles qui se sont arrêtées, je suis sûre que, enfin, les gens qui ont participé à ça, ça les a vraiment enrichis, et probablement qu'après ils ont fondé d'autres collectifs ou ils sont allés rejoindre d'autres trucs. Donc en fait, des Nuits Debout à la campagne, moi je suis sûre qu'il y en a eu des tonnes et des tonnes. Mais hein. C'est juste qu'on n'en a pas entendu parler. Bonjour, j'ai juste une petite remarque à faire. Je sais pas si vous avez remarqué, juste derrière vous, il y avait des gens qui étaient assis, qui étaient en train sûrement d'écouter le débat et qui étaient en train de boire une bière. Les policiers qui sont arrivés, qui leur ont arraché la bière des mains, et là ils se sont fait embarquer, ils sont en train de se faire contrôler là-bas, juste derrière. Et enfin voilà, je m'étonne un peu qu'on n'ait pas réagi collectivement, quoi. Voilà. Ouais, ils étaient, juste derrière, ils se sont fait, là ils sont en train de se faire contrôler contre le mur derrière les camions, là. Et voilà. Ils sont en train de se faire contrôler où? Eh bien, allons-y. De toute façon, on avait à peu près fini. Hein. C'est où ce truc? Point information, depuis tout à l'heure, il y a plein de gens qui se font contrôler sur la place. Donc, voilà. Il n'y a pas que derrière le camion. Donc, j'en ai vu 4. Voilà. Je pense que c'est vraiment pas le moment pour le faire et que c'est très maladroit. Si les bleus m'entendent. C'est vraiment pas l'endroit et le moment pour le faire. Non, ouais, c'est sûr que... il se passe que des gens de la police contrôlent les papiers d'identité de gens qui sont sur cette place. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc on trouve ça un petit peu malvenu. Rien ? Bah, je sais pas, des contrôles aux faciès, par exemple. Mais j'en dirai pas plus. Au micro.